Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans Michael & Company. Aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle, une vidéo dangereuse, une vidéo technique. Tous les muscles du corps humain vont être mis à rude épreuve. Les quatre candidats ici présents ont pour but de s'enterrer et ressortir le plus vite possible de sable mouvant. Ce sera sous forme de challenge, quart de finale, demi-finale, puis finale. Le vainqueur de la finale aura l'honneur de casser la tirelire, comme d'habitude. Je vous laisse avec cette vidéo exceptionnelle. Bon visionnage à tous. C'est parti! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till... On cherche le lieu du tournage. En pleine forêt tropicale. C'est bon les gars, vous pouvez venir. Oh putain, la chaussure s'est enlevée. Oh, c'est un truc de malade. On garde toujours les pieds sur terre. Vas-y, un, deux, trois. Vas-y, essaye de sortir. Hein. Je touche le fond là. Non. Je te jure. C'est impossible. Alan, je te jure. C'est Alan, tout. Alan, ça fait un moment que t'as touché le fond. Regardez-moi. Putain. Il faudrait pas du bruit. Oh. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous avons été absents pendant un mois, le mois du corona. On est resté confinés à la maison. Nous sommes dans un endroit avec beaucoup de sable mouvant. L'objectif est de les enfoncer le plus vite possible jusqu'au téton et de ressortir le plus vite possible. Le vainqueur a l'honneur de casser la tirelire et gagne comme d'habitude la somme d'argent. Nous allons repousser les limites de la loi d'Archimède. On va maintenant passer aux présentations de chacun des quatre candidats participant à cette vidéo exceptionnelle. Attention, c'est parti, premier candidat. Allez Max, faut faire la présentation. J'arrive pas à venir. Attends, mais... Allez, dépêche-toi. Les gars, êtes-vous prêts pour le défi du sable mouvant? Let's go, c'est parti. Attention, 3, 2, 1. C'est parti les gars. Soi-disant. Jusqu'au chef. Jusqu'au au téton, jusqu'à la ligne tétoniale. Oui, c'est bon. Non, non, non. Vous ne pouvez pas rabattre de la terre sur vous. Il faut être vraiment au niveau aplani, latitude zéro. Ah, c'est trop une technique. Faut fourrer, les gars. Faut fourrer. 1, 2, 1, 2. Je crois que je suis. Non, non, les tétons, moi, les tétons. Non, non. Non, on voit les tétons, on voit les tétons. Moi. Je vais pas tétons, les gars, c'est bon. Maxime. Les gars, c'est validé. Maxime, validé. Non. On veut sortir. Oui, sortir. Là, c'est bon, c'est bon, chef. C'est bon, moi. Chef, bon. Je te jure. Oh putain, les gars, j'ai trouvé une technique. Déjà, c'est bon, là. Les gars, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Benjamin, validé. Oui, c'est moi. Sandy, validé. Bon, MTV, validé. Benjamin Leval, un petit mot sur votre défaite. C'est pas grave. Fais défoncer. Wow. La première manche est terminée, on va passer maintenant à la demi-finale et après ce sera la finale entre les deux candidats restants. Les gars, vous êtes prêts pour la demi-finale? Ouais. Attention, 3, 2, 1. On s'enfonce le plus rapidement possible jusqu'au téton. Les jambes à la verticale. Ok. On est pas mal. Du côté de Maxime. Oui. Ouais. Tanguy, validé. Bon. C'est bon. Maxime, validé. Et moi? Pas validé. Tanguy, vainqueur. Ah. Perdant, Royal TV. Regardez les tétons. Même jusque là. Moi, je plaisante pas, moi. J'ai été militaire. Moi, je suis pas content. Alan, tranquille, t'as perdu, tu gagnes pas. Mais non, je perds pas ça. Arrête, on m'embête, t'as raccroché. Viens, toi, lâche-moi. Bon, les gars, c'est la finale, là. Que le meilleur gagne. Turbo Tanguy, qui va gagner cette finale? Je pense qu'on m'appelle pas Turbo Tanguy pour rien. Maxime, qui va gagner cette finale? Moi, je suis tout simplement outsider, j'ai rien à prouver. Benjamin, êtes-vous prêt pour le départ? Je suis prêt. Attention. Maxime, es-tu prêt? Yes. Tanguy, es-tu prêt? Oui. Cette dernière manche est la manche la plus difficile. Les deux candidats vont devoir rentrer jusqu'aux épaules, plus haut que les tétons. Attention pour le départ. 3, 2... Plus bas, Turbo Tanguy, plus bas. Jusqu'à l'extrémité du trapèze, au plus bas les gars. Les gars. Plus bas, plus bas. Maxime, encore 15 cm, Maxime, 15 cm. Attention, le premier qui sort des sables mouvants à 3 a remporté la finale. 1, 2, Soleil, c'est parti. Soleil, c'est parti. Là, debout, debout, faites debout, faites debout. Faites debout. Tanguy, Turbo Tanguy. Le vainqueur. Le vainqueur, Turbo Tanguy. Comment vous sentez-vous Je me sens essoufflé. Mais ravi. Ok, super. Dédicace à... Dans mon cœur, Jaja. D'où tu parles de ma meuf? J'arrive. Bravo aux deux finalistes et bravo encore plus au vainqueur. Le vainqueur qui se prénomme... Turbo Tanguy. C'est la fête dans mon slip. La victoire est appropriée à Turbo Tanguy qui a gagné le concours des sables mouvants. Mobile TV se porte garant de se faire casser la tirelire sur la tête. La tirelire comprend une somme d'argent que Turbo Tanguy a gagné. Je propose qu'on la laisse comme ça et puis c'est Mobile TV qui voit. Bonjour. Madame, tu veux pas qu'on la tienne? Je suis la tirelire humaine. Il est où? Eh bien... Il est où? Putain, mais il est où, les gars? Je sais pas. Putain, il est où? Ah putain, mais le corona, ça fait pas YouTube. Mais y'a rien. Un bon câlin seulement. Un bon câlin seulement, les gars. Zombie. C'est pour ça que j'ai fait exprès de pas gagner. Le câlin, je vais faire tomber la carte. Le plus important, c'est pas l'argent, c'est les copains. Ça c'est sûr. Ouais, c'est bon. C'est froid. Oh, bon, putain, Guy, t'as tapé fort. Ah bah, je voulais la casser. Méfiez-vous. Car un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. La vidéo est terminée. Bonne soirée. Une dernière chose. Si tu cliques sur ce bouton, on va dépasser Squeezie. Grâce à toi. Et ça, c'est un truc de ouf. Je te fais confiance. Ciao, belle.